Jérémie chapitre 34. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, lorsque Nebuchadnetsar, roi de Babylone, et toute son armée, tous les royaumes de la terre, et tous les peuples qui étaient sous la puissance de sa main, combattaient contre Jérusalem, et contre toutes ses villes, disant. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, va, et parle à Sédécia, roi de Juda, et lui dit, ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais livrer cette ville en la main du roi de Babylone, et il la brûlera au feu. Et tu n'échapperas point de sa main, car certainement tu seras pris, et tu seras livré entre ses mains, et tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il parlera à toi bouche à bouche, et tu viendras dans Babylone. Toutefois, ô Sédécia, roi de Juda, écoute la parole de l'Éternel, l'Éternel a parlé ainsi de toi, tu ne mourras point par l'épée, mais tu mourras en paix, et on fera brûler sur toi des choses aromatiques, comme on en a brûlé sur tes pères, les rois précédents qui ont été avant toi, et on te plaindra, en disant, hélas, Seigneur. Car j'ai prononcé cette parole, dit l'Éternel. Jérémie donc le prophète prononça, donc toutes ces paroles-là à Sédécia, roi de Juda, dans Jérusalem. Et l'armée du roi de Babylone, combattait contre Jérusalem, et contre toutes les villes de Juda qui étaient demeurées de reste, savoir, contre Lachi et contre Azeka, car c'étaient les seules villes fortes, qui restaient entre les villes de Juda. La parole qui fut adressée de par l'Éternel à Jérémie, après que le roi Sédécia eut traité alliance avec tout le peuple qui était à Jérusalem, pour leur publier la liberté, afin que chacun renvoyât libre son serviteur, et chacun sa servante, hébreu ou hébreu, et qu'aucun juif ne fût l'esclave de son frère. Tous les principaux donc, et tout le peuple, qui était entré dans cette alliance, entendirent que chacun devait renvoyer libre son serviteur, et chacun sa servante, sans plus les asservir, et ils obéirent, et les renvoyèrent. Mais ensuite ils changèrent d'avis, et firent revenir leurs serviteurs et leurs servantes, qu'ils avaient renvoyés libres, et les assujettirent pour leur être serviteurs et servantes. Et la parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie par l'Éternel, en disant. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je traitai alliance avec vos pères, le jour que je les tirai hors du pays d'Égypte, de la maison de servitude, en disant. Dans la septième année vous renverrez chacun votre frère hébreu, qui vous aura été vendu, il te servira 6 ans, puis tu le renverras libre d'avec toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, et n'ont point incliné leur oreille. Et vous vous étiez convertis aujourd'hui, et vous aviez fait ce qui était juste devant moi, en publiant la liberté chacun à son prochain, et vous aviez traité alliance en ma présence, dans la maison sur laquelle mon nom est réclamé. Mais vous avez changé d'avis, et avez souillé mon nom, car vous avez fait revenir chacun son serviteur, et chacun sa servante, que vous aviez renvoyé libre pour être à eux-mêmes, et vous les avez assujettis, afin qu'ils vous soient serviteurs et servantes. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, vous ne m'avez point écouté pour publier la liberté chacun à son frère, et chacun à son prochain, voici, je m'en vais publier, dit l'Éternel, la liberté contre vous à l'épée, à la peste et à la famine, et je vous livrerai pour être transporté par tous les royaumes de la terre. Et je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance, et qui n'ont point effectué les paroles de l'alliance qu'ils ont traitées devant moi, lorsqu'ils sont passés entre les deux moitiés du veau qu'ils ont coupé en deux. Les principaux de Juda, et les principaux de Jérusalem, les eunuques, et les sacrificateurs, et tout le peuple du pays, qui ont passé entre les deux moitiés du veau. Je les livrerai, dis-je, entre les mains de leurs ennemis, et entre les mains de ceux qui cherchent leur vie, et leurs corps morts seront pour viande aux oiseaux des cieux, et aux bêtes de la terre. Je livrerai aussi Sédécia, roi de Juda, et les principaux de sa cour, entre les mains de leurs ennemis, et entre les mains de ceux qui cherchent leur vie, savoir, entre les mains de l'armée du roi de Babylone, qui s'est retiré de devant vous. Voici, je m'en vais leur donner ordre, dit l'Éternel, et je les ferai retourner vers cette ville-ci, et ils combattront contre elle, et la prendront, et la brûleront au feu, et je mettrai les villes de Juda en désolation, tellement qu'il n'y aura personne qui y habite.